Bienvenue sur les ondes de votre radio préférée à l'île de la Réunion, Musique du Futur. Bienvenue à tous, misérables auditeurs. Je vous présente le nouveau projet de Daniel Mestas Matando, créateur du Boléroglam, qui vient changer le monde. Que dis-je ? L'univers et ses configurations karmiques. Je vous laisse maintenant avec Adios, Adios.